All right, Arnaud Soli au petit podcast. Ça va bien, bro? Salut, Pellet, ça va bien? Ben merci de me recevoir. Ben, un méga plaisir, mon gars. Ouais. Tu sais que tu es le premier épisode, en fait, du petit podcast. Ouais. On ouvre? On ouvre, là. Oh, ouais, tout à fait. Yeah! Je suis content, je savais pas. Oh, ouais, tout à fait, nice. Tout à fait. Mais je voulais avoir quelqu'un que j'admire, en fait, pour de vrai, pour le premier petit podcast. Donc, en fait, j'aime qu'est-ce que tu fais, là, sur le web et tout. Puis tantôt, là, je me disais, qu'est-ce qu'on va parler au début du podcast? Puis là, je me suis souvenu la première fois qu'on s'est vu. Je sais pas si tu t'en souviens. Rafraîchis-moi la mémoire. Parce c'était au métro Beaubien. Ouais. On a pogné le métro puis on a parlé de Rap Keb. Ouais. Tout le long du trajet. Tu sais, je pense que c'est comme si on était des vieux amis là, qui se connaissaient depuis des années. Puis là, ah ouais, man. Je me rappelle, ouais. Ouais. Larry, Loud, à la claire. Toi, tu tripes Rap Keb, right? Ouais, ben, ouais, vraiment. Ben, je connais pas tant ça, mais j'ai mes groupes un peu. Mais tu sais, moi, ça part du cégep parce que je faisais de l'impro avec trois des gars de Dead Obese, dans le fond. OK. Oh, Greg Baudin, Snail Kid, okay. Charles-André, Twenty Sum, puis Jeff Ruel, Yes McCann. Okay. Feu Dead Obese. Mais, yeah. Fait que j'ai vu ces trois gars-là commencer à rapper dans Ruel, entre les cours. Puis même que j'avais un projet joke rap avec eux qui s'appelait les Five Germains. Parce que j'avais un personnage de nerd qui rappait sur les mathématiques. Mais tu sais, eux, clairement, ils ont commencé à vraiment écrire des verses pour vrai. Puis là, j'étais comme, mais les gars, c'est bon pour vrai. On dirait, c'est plus comme une joke, tu sais. Mais ouais, c'est difficile de s'assumer quand tu commences à faire du rap dans une ruelle. Puis les gars, ils ont commencé à faire des trucs, puis faire des word-up battles. Puis moi, j'assistais à tout ça. Fait que j'ai vu le groupe naître. Puis en parallèle, ben, j'ai commencé à voir l'éclosion de cette nouvelle vague rap un petit peu à la claire, Lord Larry, pour ne nommer qu'eux. Puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup, là, la créativité, le flow. Là. Puis, on dirait que c'est vraiment la musique de ma génération, mais c'est ça que j'écoute le plus. T'sais, j'aime toute la musique, mais le plus naturellement, si je sors chez nous, je vais mettre du rap dans mes écouteurs. Ouais. Mais t'as-tu failli faire partie de Dead Obese? Ben non, pas failli faire, dans le sens que je pense que mes aspirations étaient vraiment plus limitées. Puis, moi, j'ai toujours adorer la musique, puis j'en fais beaucoup dans mon humour. OK, ouais. Mais ouais. Pour moi, ça reste une joke. Tu sais, je pense pas que j'aurais jamais été capable de faire comme « Yo, I'm a real G ». Comme, je peux pas fronter jusqu'à ce point-là. Mais par contre, j'ai encore des... Tu sais, j'écris des verses des fois. J'ai encore des idées de projets rap, mais ça va toujours être avec une tangente humour parce que... Okay. Mais d'ailleurs, j'ai fait des parodies de rap battle. C'est des trucs obscurs sur Internet, mais « Keb battle ». Okay. Tu peux aller chercher ça, c'est comme une fausse ligue de rap. Okay, okay. Il y avait Rich, Zephyr, Virginie Fortin, Phil Roy. Il y a plein de gens comme à leur début qui ont participé à ça avant d'exploser. Fait que non, ça a toujours été dans ma vie. OK. T'assistais même au Word Up Battle. Toujours. Okay, ouais, okay, j'allais live. J'en ai fait un même dans le cadre du Zoo Fest. C'était humoriste versus rapper. Mais ça n'a pas été filmé. Mais j'ai défoncé le scap. Sorry. Oh yeah. Puis même, je pense que t'es déjà monté sur la scène avec À la claire, tu joues avec la flûte, dans le fond. Ben moi, Ogden, c'est un vieux pote. On faisait de l'impro aussi ensemble au cégep. Lui, il jouait à Québec, à Saint-Laurent. OK. Puis j'ai toujours trippé sur ce gars-là. Puis là, il est venu à Montréal, il a commencé à faire du rap. Puis Ogden, il organise le Punch Club, qui est un show d'impro 3 contre 3, vraiment street. Puis bref, on s'est vraiment liés d'amitié. Fait que en parallèle, j'ai beaucoup suivi À la claire. Puis ils m'invitaient des fois à faire des stunts ou des niaiseries avec eux. Dead Obese, même chose. Là, j'ai joué de la flûte avec eux au Franco sur la scène. Mais je joue de la flûte dans les albums, mais c'est juste, faut le savoir. Là, mais c'est... No way! Ben ouais. Pour de vrai, tu joues de la flûte sur leurs albums? Ouais, dans quelques tracks. Comme, quelle chanson, mettons? Ben, la dernière de Gesam... Tunstwerk. Il y a un peu de flûte que c'est de moi. Okay. Il me semble sur leur premier mixtape collation aussi, il y a une part de flûte. Puis c'est moi qui fais la voix aussi, les Vox Pop, dans leur deuxième album. T'sais, je parle au monde. C'est toi? Ouais. Ouais, les petites filles qui disent « Ouais, le Dead Obese, c'est vraiment cool! » Ouais, ils savaient pas ce que je voulais faire avec ça. Ils m'avaient juste envoyé comme au lancement, dans le crowd, au centre-fi. Puis j'avais un tape, puis j'ai juste pris le plus de footage possible, puis après Vince, il a comme mixé ça. Wow! Ouais, en tout cas. Mais ça met un bon mood dans l'album, je trouve. Ça met un petit peu de folie, là. Tu sais, t'écoutes l'album de Dead Obese, puis là, t'es comme, man, les gars sont vraiment cool. Ouais, là, vraiment. Fait, OK, OK. Puis qu'est-ce que tu penses du nouvel album? Dans le fond, tu l'as écouté, c'est ça que ouais, tu ben, me disais? Il est sorti aujourd'hui, là, ben, en ce moment, la journée d'enregistrement. Là, mais ouais, mais moi, je suis vendu. Ouais, j'aime vraiment ça. Il est plus pop, il est plus court. Du fait que peut-être que Yes McCann n'est plus là aussi, ça laisse plus de place. Mathématiquement, il y a un rapper de moins ces tracks. Ouais. Mais je pense qu'ils ont essayé de faire un produit un peu plus compact. Moins de pistes de 6 minutes comme on a pu voir dans le passé, vraiment des puis plus de hooks vraiment catchy. Okay. Bear qui est vraiment sur son gros refrain game. Ah ouais, OK. Pis, mais ça va dans tous les sens, il y a une tune un peu acoustico qui fait vraiment comme rap keb. OK. Puis tu as des trucs vraiment plus dans la tradition trap, ben américain dans le son. Puis en même temps, il y a toujours leur couleur à eux, fait que moi je suis bien fan, mais là je l'ai écouté juste une fois comme j'ai hâte de j'ai hâte de me le mettre en boucle. Mais le single Doua, puis il est fou, c'est là. Fou. C'est tellement bien produit. C'est parfait. C'est là. Gros, là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets parce que Yes McCain s'en allait, là, mais à date, moi, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est super bon. Fait que... Ben, tu sais, musicalement, tous les gars sont sa grosse coche, là. Puis on dirait qu'ils ont une maturité aussi, là. Ils se connaissent bien. Fait que pour moi, l'identité est encore plus claire. T'sais, ça sonne de l'obéis, je trouve. Ouais, tout à fait. J'ai hâte de voir la suite. OK, good, good. Je sais que tu es beaucoup aussi dans la musique, dans ta famille. Là, on s'en va voir tes photos de jeunesse, mais tu viens d'un milieu musical. C'est ça qu'on pouvait voir aux 5 prochains. On voyait ta mère, on voyait d'où tu viens un petit peu. C'est important encore la musique. T'essaies d'en faire le plus possible encore, j'imagine, malgré ta carrière d'humoriste. Ouais, ben, tu sais, moi, ça a été un parcours parce que, comme tu dis, c'est une famille de musiciens. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que j'allais pas être musicien, même si... toute ma famille l'est. Fait que j'ai comme mis ça de côté, mais c'est vraiment présent dans ma vie. Tu sais, j'en écoute beaucoup, j'adore ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait manière d'utiliser ça, mais pour véhiculer mes jokes, tu sais, d'utiliser ce langage-là pour... Sur le web aussi, je trouve comme le côté musical, il peut être bien payant en petites vidéos, comme des petits trucs bien catchy, un concept clair. Là, tu sais, comme je fais beaucoup de compilation, est-ce que je reprends des tunes connues, mais je mets des jeux de mots de... Ouais, les noms des villes. De bouffe ou de ville ou whatever. C'est comme un concept qui se spin bien. Fait que non, je suis en train de trouver une espèce de bel équilibre entre l'humour et la musique. Absolument. Puis tu sais, je caresse l'idée de faire un album éventuellement ou un projet musical humoristique. Mais tu sais, là, c'est un long shot. Là. OK, je lance ça dans l'univers, mais tu sais, moi, j'écoutais quand j'étais jeune mes François Pérusse et Crampes en masse. Je trouve que j'ai toujours adoré, puis même aux États-Unis, là, les Lonely Island, ou, tout ce qui est humour en chanson, moi, ça me parle beaucoup. Tous les humoristes qui font des tunes drôles sur scène, on dirait que c'est mes bouts préférés. Fait que je suis en train de trouver comme une manière d'amener ça plus dans ma pratique sur scène ou faire un album éventuellement. Ben dans ce créneau-là, tu as fait quand même de quoi d'extrêmement gros au Gala des Oliviers cette année. Crime, il y avait une chorale... Un chanteur d'opéra, je pense que c'est Daniel, son nom, c'est ça? Non, c'était Étienne. Cousineau. Mais ça, c'est venu d'où, ce concept-là? Parce que comme c'était le stunt du Gala des Oliviers, là, sans aucun doute. Oui, ben cette idée-là, je l'avais faite auparavant. Puis je veux pas non plus dire que c'est une idée 100% originale. Je suis sûr que quelqu'un a déjà fait ça. C'est un petit peu inspiré du mini-tweet, là, de réciter des commentaires méchants. Mais moi, c'était l'idée de chanter des mini-tweets. J'avais fait ça avec Pierre-Yves Roy-Desmarais sur l'émission Halte à Vrac. Mais on chantait des commentaires de climato-sceptiques, genre. Parce qu'il y avait plein d'articles qui sortaient sur les conséquences du réchauffement climatique. Puis, man, je lisais les commentaires, tu sais, sur le site du Journal de Montréal. Puis c'est comme... Yo, il fait fret. Voir que la Terre se réchauffe, il fait fret l'hiver. C'est des affaires. C'est comme, man, les gens sont tweet. Ah, puis je me suis mis à juste capture screen des commentaires. Là, j'ai fait, hey, c'est une toune, là. On fait une toune avec ça. Fait que c'est parti de là. Fait que je pense que les auteurs des Oliviers ont vu ça aller. Ils ont fait, hey, ça pourrait être cool de prendre cette approche-là, mais de la transposer pour le gala. Okay, puis là, on a brainstormé sur la catégorie. Puis j'ai dit, ben moi, ça ne me dérange pas de le faire live, mais il faut qu'on step up. Je veux dire, je l'ai déjà fait, cette capsule-là. Si on est pour le faire live, ben je veux que ça soit une comédie musicale. Fait que là, on a dit, ben je veux des chanteurs, je veux... On voulait Marc Hervieux, il pouvait pas me dire. Genre, je veux l'opéra, je veux la chorale, je veux amener ce concept-là le plus loin possible. Puis ils ont été all-in, là, tu sais. J'ai remercié beaucoup, ils ont fait, OK, go, on le fait. Chris, c'est de la job, là, une chorale, là. Ben oui, c'est de la job, là. Puis là, tu vois Mariana Mazza, parce que c'est le segment de Mariana Mazza que la chorale arrive, là. Puis là, ta voix, elle capote dans la vidéo, comme... là. Elle est comme, c'est un esti build-up, là. Ouais. Une fois que t'as compris le concept, t'es comme... Ça arrête pas. C'est ça, ouais, c'est hot. Ouais. Ça, c'est super cool. Puis, tu sais, en regardant la vidéo, je me disais... Ben, la vidéo, le segment, là, du Galette des Oliviers, je me disais... T'es-tu nerveux de chanter? Tu sais, dans le sens, tu fais de l'humour, tout, t'es à l'aise sur une scène, t'es à l'aise devant un micro, mais chanter, tu sais, c'est différent. Ben, je serais nerveux de chanter si c'était pas drôle. Tu comprends? Okay. Ce qui me rassure, c'est que c'est la même nervosité avant un show. Quand j'ai mon premier rire, le stress tombe. Okay. Ben, dans une tune humoristique, j'ai un rire, le stress tombe. Dans ce cas-là, des Oliviers, ce qui me rendait nerveux, c'est que c'est du live, là. Il y a la technique des les projections des sous-titres. Moi, j'ai mon oreillette, je suis timé sur le pianiste, puis sur le clic du drummer, puis la chorale, puis les caméras, regarde, en tout cas, tu sais, fait que c'est comme d'essayer de, tu sais, c'est un monde là, la télé, puis moi je suis nouveau là-dedans là. Humblement là, j'apprends doucement ce métier là. Fait que mon stress, c'était plus comme « Chris, j'espère que ça va pas chier, on est live à Radio-Can. » Ah, tabarouette. Tu sais, avec un bon code d'écoute, mais ça m'a noté. Ben oui. Tu sais, même, il y a un bout, le pianiste, il est comme sur des temps, là, comme il... Ouais. Puis là, toi, tu rentres aussi en même temps que lui, j'étais comme « OK, man. » Puis tu vois dans ton visage, t'es concentré. On l'a répété, là. Tu sais, puis j'ai manqué genre deux lignes, ça a pas paru, là, mais moi, j'étais genre... Je me flagellais après. Tout le monde est comme, hey man, ça paraît pas, il y a juste toi qui le sais. On l'a pas vu. Ah, mais c'est cool, ça, c'était vraiment hot parce que c'est créatif aussi, tu sais, puis ça a de l'impact. Là. Je voulais te parler, tu es très actif sur le web. Tu sais, dans le fond, moi, je suis professeur à l'École nationale de l'humour, tu le sais, tu sais, je veux t'avoir comme je invité. Sais, j'ai failli, esti, je t'ai choqué deux fois, mais... Mais c'est pas grave, on va réussir à me donner, pas de stress. Et puis, je te sers souvent comme exemple à mes étudiants, en fait, parce que je trouve que tu t'en sors super bien sur le web, je trouve que t'es créatif, il y a toujours de la nouveauté. C'est quoi l'importance dans ta carrière, le web? Qu'est-ce que le web t'a amené dans ta carrière? Je vais utiliser tout. Ce segment-là du podcast pour les élèves. Bien. Mais tout, dans le sens, s'il n'y avait pas de web, il n'y a pas de carrière. Là. Au bas mot, je vais dire, ça m'a tout donné dans le sens que... moi, je parle du fait que personne ne me connaît il y a 3 ans. Je commence à faire du stand-up dans les soirées. Okay. Les gens qui me connaissent, c'est peut-être un peu les gens du milieu avec qui j'ai fait de l'impro. Mais tu sais, mettons, le milieu, genre les producteurs, les médias, les gens qui travaillent en télé, tout ça, l'industrie... T'étais pas sous le radar. Non, zéro. L'industrie ne me connaît pas. OK. Fait que moi, je suis tout seul chez nous, je lâche ma job comme barman. Fait que moi, je fais de l'humour temps plein. Mais là, je fais 3 shows semaine, des 8 minutes dans des tavernes, payé 20$. Okay. Fait que là, cette idée-là de, ben, je vais faire du web, j'en faisais déjà au cégep. Je faisais des vidéos drôles sur YouTube il y a 10 ans. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, tu sais, le web. Genre, j'ai grandi avec ça. J'aime les codes. Je trouve que c'est un univers. J'aime le côté instantané. T'as l'idée, t'as fait. Tu peux la réaliser, puis t'es dans le concret dessus. Exact. Ouais, moi, j'ai étudié en art visuel cégep, université. Fait que, tu sais, j'ai eu des cours de montage vidéo, Photoshop. Tu sais, je suis gearé chez nous, j'ai ma cam, j'ai mes micros. Fait que, je suis quand même assez indépendant dans la mesure du possible pour une petite prod. Je peux tout faire, tu sais. Fait que après ça, c'est comme, mais Chris, attends pas qu'on t'appelle. Produis des shit, là. Ouais, exactement. Fait que ça part de comme, crée tes propres opportunités. Fait que, mais après ça, c'est drôle parce que il y a des affaires que tu fais que tu dis, bon, ça va marcher, ça marche pas. Pour X raisons. Ah, ça, c'est le web, là. C'est ça, c'est les gens qui décident. Et il y a un truc un peu épais, là. Genre, mettons, Jordan, c'est un personnage que j'ai finalement refait plusieurs fois, mais ça accotera jamais le premier vidéo. Mais c'est un vlogueur, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un vlogueur français qui tripe sur Jean-Nicolas Véro. Pour vrai, j'ai créé ça ben stone. Okay, comme j'ai écrit ça, je me trouvais drôle. En fait, ça part que mon ami m'a montré comment faire. C'est pas le drôle, là. Mon ami m'a montré comment faire des vidéos capture screen. Je savais pas comment sur mon ordi. OK, OK. C'est super simple. Là, j'étais comme, comment je pourrais utiliser ça? Puis là, je me suis dit, un genre de vlog, de tutoriel. Un tutoriel, hein? Puis là, je me suis dit, il faut trouver une twist humoristique. Puis là, j'ai pensé, le gars, il trippe. Au début, j'imaginais qu'il trippait sur Patrick Huard. OK. Mais pour une raison X, je me disais, c'est un peu weird, on est dans le même milieu. Je connais pas tant Pat. Je faisais de l'impro avec lui à LNI, mais on se connaissait pas tant. OK. Fait que j'ai comme choisi Jean-Nicolas Véro, qui était juste comme pas trop hot, pas trop has-been, pas trop dans mon milieu, pas trop out. Juste assez décalé, je pense, pour... Puis il y a un nom drôle, Jean-Nicolas Véro. Puis bref. Mais ça, je pensais pas que ça allait marcher, tu vois. J'étais comme... Okay. J'étais le genre d'affaire que je me disais, si je fais rire 4 amis avec ça, tant mieux. Puis finalement, je m'en fais parler plus que d'autres choses. Ouais, parce qu'on rentre dans le délire, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est même si on te connaît pas personnellement, tu regardes ça. Parce que c'est tellement con, man. C'est con. C'est inexplicable pourquoi c'est bon de même, tu sais. Je pense que oui, tu sais. Puis tu sais, sur le web, on cherche tout le temps à trouver la formule, tu sais. Puis il y a des formules, mais les vrais, vrais, vrais trucs qui fonctionnent, ils réussissent à déjouer la mathématique du pronostic, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord. C'est ça aussi que je dis avec mes élèves, c'est faites du contenu, faites-en, puis peut-être qu'il va y avoir un hit que vous n'allez même pas penser, mais tu sais, il faut se présenter pour avoir le complexe de la minutie tant que ça. C'est pas vrai. Il faut travailler fort, mais je pense que c'est préférable d'avoir une constante dans ta production, d'essayer des trucs, puis de ne pas se censurer. Parce que si tu te censures sur ta page Facebook, c'est la place pour essayer du shit. Absolument, là. Absolument. Tout à fait. Mais puis... Aussi, qu'est-ce que je montre dans les cours, qu'est-ce que tu as fait que j'ai full aimé aussi, c'est ça date un peu, mais c'est ton reportage pour Vice à Oceaga. Ouais. T'as l'air sur... On dirait, là, c'est quoi que t'as bu avant? T'es primé, t'es bourré de confiance, mon gars. Là. Puis on dirait, là, tu t'éclates, là, t'es des punchlines sans arrêt. Puis... T'es tellement hangover, ce tournage-là, c'est fucké parce que ça s'est booké comme à dernière seconde. Moi, je commençais à faire ce métier-là, puis là, Vice voulait collaborer, puis c'était comme pas clair. Puis finalement, on n'avait pas de passe. Non, c'est ça, parce que tu rentres jamais dans le fucking site. Là, moi, j'étais en crise, là. J'étais vraiment défoncé, honnêtement. J'étais le lendemain de veille. Là, j'apprends, puis là, tu sais, j'avais bu du gourou, là. Fait que j'étais un peu primé, mais il faisait chaud, puis là, on me dit, hey, by the way, on pourra pas rentrer sur le site. Je vais te niaiser. Si on fait une capsule sur Oceaga, on peut pas aller à Oceaga. Ouais, ouais, j'avais le goût de faire fuck it. Mais finalement, ça a donné cette capsule-là qui est peut-être meilleure que si on était rentré. Parce que c'est sûr. Je suis pogné dans le line-up avec le monde, puis je fais juste straight up les niaiser, genre comme. Sans arrêt. Je dis de la merde, là. Absolument, absolument, là. Tu sais, le getaway de Red Hot. Getaway. Fait que, tu sais, non, ça c'était malade, puis je trouvais ça hot, un reportage, parce que tu me dis les circonstances, mais je trouvais ça cool que tu rentres jamais sur le site. Ben, ça montre que des fois, c'est les erreurs ou les. Pas les erreurs, mais les. Les espèces de concours de circonstances qui font que la capsule aurait été moins bonne si j'étais rentré. Ouais, absolument, absolument, absolument. Je suis sûr. Puis là, tu utilises tout ce que tu peux autour de toi. Là, tu vois les gens derrière la clôture qui, eux autres, sont sur le site. Puis là, tu filmes les souliers, tu fais des jokes avec ça. Les Bixi, dans le fond, tu veux celui du centre dans la grosse pit. Donc, tu sais, comme... ça te force à te surpasser complètement. Créativement. Ben, tu sais, c'est en quelque part. Ça s'appelle travailler avec des contraintes, là. Puis, on va le vivre tout le temps dans ce métier-là. C'est comme, ah, ben finalement, le budget, c'est ça. Ah, finalement, les lieux, c'est ça. Okay. Fait que, vite, adapte-toi. Ouais, ouais. Mais fais le best que tu peux. T'as un délai super court, là. Ouais. C'est le tournage dans 2 jours. Arrange-toi pour être là, puis performe. Puis... Mais ouais, c'est là que des fois, ça fait de la magie, comme dans ce cas-ci. Là. Exact. C'est super cool. Écoute, on peut y aller comment? On peut commencer par une photo, parce que dans le fond, c'est un peu ça le concept du podcast. Je vais l'expliquer un petit peu, juste parce que dans le fond, c'est le premier épisode. Je demande toujours à un invité de me présenter 15 photos de lui, étant jeune, adolescent. Ça peut être cute, ça peut être drôle. Ça peut être des photos qui cachent une histoire intéressante derrière. Allons-y. Ouais. On peut y aller pour ta première photo. Là, je les ai mis dans un ordre, je sais pas. Fait qu'on va y aller. OK, random. Ça, c'est 96. J'avais 6 ans. T'avais 6 ans. Fait que t'es né en 90. Je suis né en décembre 89. 89. Aïe. Oh, ouais, c'est mars 96. Ma mère identifie beaucoup. OK. Méritas en maths, première année. Ouais, donc c'est ça. C'était juste pour montrer quand même mon petit côté académique. OK. J'ai comme un peu l'air. Je sais pas, blessé. Ben, un petit quoi, peu. C'est quoi que tu peux lire dans mon. Je suis pas si fier, hein? Non. Je suis gêné. Ben, on dirait que tu dis. Bah, c'est le premier diplôme de plusieurs, là, tu sais. Ah, OK, tu penses que je suis juste comme no big deal, il y en a d'autres qui s'en viennent? Ouais, exactement. Ouais, je pense que t'attends les. Tu sais, tu regardes, t'es comme tout le monde, tu sais, t'es comme OK, yes. Mais je suis sale d'en face. Ouais, t'es sale. Mais je pense que c'est l'écriture. Ouais, c'est ça, ouais. OK, ouais. Ouais, d'emblée, quand je vais. Ouais, regarde, là, t'es correct, là, t'es propre de même. Mais tu sais, où tu pratiques pour un mugshot, tu sais. Ouais, j'ai l'air. Mais ça annonce un futur. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'école, moi, dans ma vie. Là. J'étais bien à l'école. Okay. C'était un environnement que. Je sais pas, j'aimais ça, le côté social. J'ai toujours été bien social. Fait que, tu sais, joker en classe, mais. J'aimais ça. Moi, j'étais zéro sportif quand j'étais jeune. Zéro. Fait que, tu sais, j'ai passé beaucoup de mon enfance dans un livre. Tu sais, mon père est très, très aussi intellectuel. Tu sais. Okay. Fait que, à la maison, là, moi, je recevais des livres à colorier, puis des histoires, puis je lisais. Ou, fait que, tu sais, pour moi, l'école, c'était un peu l'extension de ça. Ça m'a jamais stressé, tu sais, cet environnement-là, académique. Tu sais, au contraire, j'étais bien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Parce que même, tu disais aussi, en entrevue, tu disais que l'humour, ça t'a permis de socialiser avec les autres vu que t'étais pas sportif, nécessairement. Ben oui, ben tu sais, forcément, tu sais, l'école, c'est comme un microcosme, là, c'est un peu la jungle, là, tu veux juste comme faire ta place là-dedans. Là. Yeah. Puis moi, ben j'étais fucking anxieux avec les filles, tout ce qui était comme relation amoureuse, ça marchait pas. Sport, tu sais, j'étais dégueulasse, là, tu sais, de dernier drapé au ballon chasseur, ouais, c'est pas dire. De cardio, j'ai appris à nager à comme 10 ans, tu sais. Fait que pour comme. C'était l'humour, c'était comme le cool guy, tu sais, j'étais ami avec tout le monde, j'avais comme mes gangs un peu, fait que. Ok, c'est similaire un peu à moi aussi. Ça, c'est comme une photo double, ils vont ensemble, okay, ça a été pris back à back. Ah ben, tabarouette. Dude, hey boy, t'as l'air pire, hein? Gentil, là. Ouais, j'étais quand même smart. Un petit premier de classe. Waouh, ben et oui, là, un premier de classe. Et je dessine des Tortues Ninja. Ben oui, hey, crime, t'es Disney, Tortues Ninja, les 101 Dalmatiens. 98, j'avais vu. Attends, oui, ta maman. Ouais, 98, ouais, exact, février. Tabarouette. Mais sont belles, tes Tortues Ninja. Ouais, mais c'est ça, moi, j'étais dessin all the way, là. Tu sais, d'où l'art visuel, tu sais, après ça, là. Mais ouais, je dessinais beaucoup. C'était vraiment ça que je faisais tout le temps, en fait. J'ai des boîtes chez nous. Ah, j'aurais dû amener des dessins. Ben peut-être que je t'ai forwardé, mais... Ouais, envoie-les-moi, ouais. J'ai des boîtes chez nous de dessins, man. Ouais, c'était ça que je faisais. Je créais des univers dessinés, puis... Puis ça, t'as-tu le goût de l'utiliser encore, le dessin? T'as-tu le goût... Parce que me semble ouais, que ouais, absolument. T'en fait non, dans j'en tes fais créations. Je fais des Photoshop, tu sais, mais ouais, le dessin, c'est sûr que ça me parle, mais j'ai comme fait des choix un peu, là, de... J'ai fait des choix, mais ouais, le dessin, c'est sûr, c'est une partie de ma vie, là. Hey, la pause, mon gars. Ça n'a pas rapport, la hein? La pause. Mais t'sais... ce pyjama-là aussi. Ouais, c'est bizarre. C'est comme une version, genre, bootleg des 101 Dalmatiens, comme s'il n'y avait pas les droits. OK, c'est vrai que c'est pas les vrais. Non. Mais moi, Chris, toute ma vie, ça a été ça, man. Je voulais comme des toutous Calinours, puis là, j'avais comme la version, genre, pas Calinours. Peut-être Bisounours? Ça, ben, je la connais pas, il y a seulement sûrement toi qui la connais. J'avais tout le temps le bootleg. Mais comment ça, ta maman, elle voulait pas investir? J'ai envie de dire qu'il était pauvre, mais il était pas si pauvre, mes parents, mais il était pas riche, mais je sais pas pourquoi. On s'en fout un peu. Oui, on s'en fout. Mais oui, mais oui. Ouais. OK, that's it. Déjà, mon petit côté un peu efféminé, hein? Oui. Il y a quand même quelque chose côté un peu... girly là-dedans, mais oui, voyons. Tabarouette. J'ai toujours des grands cils. OK, c'est ça. OK. C'est vrai, ça. T'as des... Je sais pas. Mais c'est... la pause n'a pas rapport, là. Hey, puis tu sais, t'es pas chez un photographe Sears que c'est un photographe non, qui non. dit de faire cette pause-là. J'étais là. Au chalet de mon... Je vois exactement où. J'étais au chalet de Adam Ripkoff, on le salue. Il y avait une petite grosse maison. C'était comme les amis de mes parents, vraiment, vraiment friqués, tu sais. OK. Puis, Friqués, oui. J'aime le terme. Puis voilà. Ben, c'est parfait. Colin, OK. Ça, sur ma terrasse... ma première maison. Okay. Wow. On faisait des parties pour... Ça, c'est les meilleurs parties. Dans le fond, ça, c'est la maison... c'est à côté de Radio-Canada, là, tu sais. Fait que c'est dans Centre-Sud. Okay. Puis, on le voit-tu dans la photo? Ben, dans le fond, en haut à droite, il y a comme le pont Jean-Cartier. Puis, on regardait les feux d'artifice de ma terrasse. Cool. Fait que on faisait tout le temps un party l'été avec mes amis de l'école. Ce gars-là, s'il existe encore, écris-nous. Joey Nini Tremblay. Il était fatigant. Ah, il était fatigant? Non, il avait beaucoup d'énergie. C'était un ami à mon frère. OK. Catherine Alexandre, mon premier crush à vie. Alexandre Fafard. Lui, c'était mon voisin, Gabriel Piché, que je vois encore. Hugo Méran, qui est devenu compositeur. OK. Belle gang. Et on mange aussi. J'ai sorti cette photo-là parce qu'on mange les fameuses pâtes à mon père. Oh! Mon père est sûrement en train de prendre la photo, là, j'imagine. C'est la chaise vide, là, mais... C'est quoi les fameuses pâtes à ton père? Ben, c'est juste les meilleures pâtes au monde. Okay, OK. Mon père, c'est comme un grand cook italiano. Là. Fais-tu ça de sa vie? Non, non, non. C'est quoi son nom? Jean, le Tarte. Jean? Ça, c'est un gars de Trois-Rivières, là. Il n'est pas italien. Mais Giovanni, le Tarte. Non, c'est Jean, mais il cuisine vraiment bien la bouffe italienne. Il a comme pogné une passion de, okay. de l'Italie. D'ailleurs, je suis allé en Italie avec lui cet été, puis c'était vraiment cool. Ah ouais, pour vrai, ouais. pour te montrer... Ben lui, il connaît quand même bien Rome, tu sais, tout ça. Il avait déjà ses spots, mais tu sais, c'était cool de le faire ensemble parce que c'était pour fêter sa retraite. En fait, on est allé là avec mon frère. C'était vraiment trippant. Ah oh, ouais, ouais, OK, tabarouette. Fait que vous avez mangé du spaghetti là-bas. C'est bon, spaghetti. Tabarouette. Mais t'es où sa photo? Ah, je te reconnais pas. OK, moi je suis là. OK, c'est pour ça que je te reconnais pas, t'es tourné. Je fais ça comme ça. Fait que soit je viens de finir de manger une pâte, soit je suis genre... Hello. Oh, où tu fais ton hard to get pour ton crush? Peut-être. Tu sais, tu tournes un peu, tu disais... Fille. Mais clairement, là, il se passait rien, là, parce qu'il y avait le voisin entre nous deux, là. Ben... Ah, OK, t'es pas celui de tourner. OK, moi, je pensais que t'étais lui. OK, t'es là. Ah, ouais, je suis okay. le petit qui donne un bisou, là. OK, ouais, t'es loin, t'es loin. Ouais, je suis loin, Catherine Alexandre. Colin, t'as... Sais-tu à quoi il ressemble aujourd'hui, Catherine Alexandre? Ouais, je l'ai croisé. Je l'ai croisé où? Je pense genre en Gaspésie, à Carleton, peut-être dans un road trip avec sa mère. OK. Défoncer sa bière microbrasserie. Je la croise épisodiquement, là, parce que la vie est bien faite, mais on la salue. OK. Tu lui as pas dit que t'avais un crush sur elle? Bon, je pense qu'elle savait. Ah ouais, OK, ouais, c'était évident. Me semble, là. Mais that's c'était it. Clair. Ben oui, ben j'imagine que t'avais cute, de la misère fait. À cacher tes émotions, là. Ben oui, elle était très cute. Ben oui. Crème des bons moments, ça c'est les best parties. Ouais, ça là. C'était parfait. Ça c'est man. Cool, les amis arrivent pas chez toi. Pas des là, juste du jus de pomme pis des spags là. That's... Ah ouais, ça y a rien. Ouais. On devait vraiment être gossant par exemple, tu sais, parce que j'ai tellement de respect pour les parents, là, tu sais, en vieillissant, ouais, je me mets plus dans la peau des parents que des enfants évidemment, puis je fais, man, Chris, des fois, là, des parties, là. Hey, 8 enfants de 9 ans, là. Ah, faut que ça tente, là. Faut que ça tente. C'est gossant, là. Sa gueule, là. Ah ouais. Fait que ça, c'est le moment comme pâte à mon père. Puis là, je fais le lien ici avec moi et ma mère dans une photo absolument épouvantable. Oh mon Dieu! Tout est dégueulasse dans cette photo. Hey, c'est. Ouais, je tu sais, c'est l'ancien bureau de ma mère. C'est super gris. Elle est comme un genre de linge de concert un peu médiéval. Moi, j'ai mon genre de manteau de neige. Trop grand. La position est pas claire. Ben, je dis tout est dégueulasse. La seule affaire de beau, c'est cette relation mère-fille. Mère-fille, oups. Lapsus! Mère-fils. Qui est encore belle, mais c'est comme un âge ingrat. Hey. Là. T'sais, on dirait que je suis en train de devenir un adulte là-dessus. Hey. Ça, c'est-tu... Toi, t'as-tu un grand frère ou un petit frère? J'ai un petit frère, moi, Mathias, frère. Ouais. OK, fait que t'avais pas, t'avais pas ces vêtements, tu sais, comme moi, non, j'ai un grand frère. Non, c'est ça! Y a rien qui pardonne la taille de ce manteau. C'est ça, puis ça veut dire que tu l'as choisi, ce manteau-là? I guess! What the... Tu sais, c'était quoi, tu passais une journée au bureau avec ta mère? Moi, des fois, je faisais ça avec mon père. Tu sais, je le suivais sur la route... Parce que j'aimais ça, passer du temps avec à sa job. C'est-tu quoi? On dirait une genre de journée pédagogique. Vu que j'ai mon manteau, il y a peut-être une tempête de neige. Fait qu'elle t'a amené à genre, l'école job. Était fermée, fait que je suis allé avec elle au bureau. Mais oui, puis là, on voit que t'as fait des coloriages à côté. Ouais, je pense pas que c'est moi, mais il faisait des levées de fonds. Ma mère, elle a une compagnie de musique. Fait okay. qu'il faisait des levées de fonds souvent, puis comme il mettait aux enchères des peintures d'amis, tout ça. Fait que c'était peut-être ça qui traînait, mais où ils ont l'air en déménagement, je peux pas dire trop. Mais je l'ai choisi juste pour cette espèce de pose très, très bizarre. Mais c'est bizarre, mais tu sais, on voit qu'il y a de l'amour. Là. On voit que ta mère, elle t'aime. Tu sais, elle tient, elle dépose sa tête sur ton coco. Ouais. Toi, t'as l'air un petit peu... Hey, je sais pas, c'est quoi ton émotion? Tortuité un peu? Tortuité. Je pense que j'ai chaud, man. Tu me vois-tu, man? J'ai mon manteau, mes calices de grosses bottes. Ouais, c'est ça, t'as-tu des gros pieds ou tu sais, c'est vrai. J'ai quand même des grands pieds là, tu sais, chose du... Ah, hé, tabarouette, du 12 là, mais en tout cas, je sais pas. OK. Et là, écoute, ça c'était aussi c'est un duo Bon, on commence. C'est ça. Ça part de là. Voilà un spectacle de flûte. Un quatuor, oui. Un quatuor, en effet. Ouais, je pense que c'est au camp musical. J'allais à un camp musical tout, chaque été où est-ce que ma mère enseignait. Ça s'appelle Camac, dans les... je sais pas c'est où, mais près de la chute, là, dans ce coin-là. OK. Puis ça, c'est en... Ouais, j'avais 9 ans. C'est juillet 99. 99. Ouais, 9-10 ans. Puis ça part de là. C'est l'amour de la flûte, man. C'est-tu, tu sais, comme moi, je connais pas grand-chose là, à la flûte. Là. Mm-hmm. Tu sais, comme là, ça va être vraiment une question newbie, là, ouais. Peut-être poche. Ça peut-tu être compliqué jouer de la flûte? Oh, ouais, complètement. Donc, vraiment, OK. Oh, ouais, c'est un instrument à part entière. Tu sais, quand c'est bien joué, c'est magnifique. T'sais, là, nous, on a l'image de la flûte à bec en plastique. Ouais, c'est ça. Extrêmement ouais. Désagréable. Tu sais, la raison pourquoi c'est l'instrument qui est enseigné à l'école, c'est juste parce que ça coûte 10$ une flûte. Ça ouais, coûte 3$ une flûte. Ouais, même au Dollarama, t'en as. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que c'est cheap. Fait que je pense que. Pour enseigner la musique, c'est l'instrument de prédilection, mais ça fait que aussi collectivement, on entend ça comme quelque chose d'extrêmement genre désagréable parce que c'est une classe, c'est super strident, mais c'est sûr que c'est pas un instrument qui est full à la mode, là, c'est un instrument comme qui date de l'époque baroque, là, mais une belle flûte à bec en bois, ça a un son vraiment rond, beau, là, tu sais, comme un instrument avant. Okay, okay. Puis ça peut être autant virtuose que tous les instruments, tu sais, c'est juste qu'on a vraiment une espèce de, de traumatisme, je pense, lié à l'école primaire. Peut-être que c'est ça, man, dans le fond, ouais, parce que, tu sais, on a tous joué de la flûte, là, à un ouais, certain ouais. Moment, là, tu sais. Mais aïe. Mais moi, j'aime... Oh, sacrément, cette photo-là. Attends. On dirait tellement... Check la prochaine. On dirait que je me suis réellement chié d'un culotte. J'ai les narines hey. Dilatées de... Je sais pas. C'est quoi cette face-là? Hey, bro, wow! Ouais, ça, c'est avec la grosse flûte en plus, là. Hey, là, avec, tu sais, le background, les yo, notes. Tout est parfait là-dessus. Ah, dude, tu dis que t'as chié dans tes culottes, tu portes un chandail brun. Ah, oh, oui. La grosse montre. Eh oui, la montre trop grosse pour le petit poignet. Tu fais à semblant de jouer, tu sais, t'as mis. Ouais, je suis en position, je suis vraiment genre. T'es prêt. I'm a real flutist. Comme je fuck pas avec ça. Prêt au décollage, là, prêt pour la performance. Mais moi, j'allais dans une école primaire qu'on avait une concentration musique. Fait qu'on jouait de la, on jouait de la musique tous les jours. Ah, oh, bah, et ça, c'est quoi? C'est-tu, c'est pas fait? C'est le plateau. C'est le plateau. Face, ils ont ça aussi, mais Face, c'est musique-théâtre. OK. Danse, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est plus les arts en général. Le plateau, c'est musique-musique. Ah ouais, c'est une école cool, dans le ça? Parc La Fontaine, ouais, c'est okay. Cool. C'était malade. OK. Fait que moi, tu sais, déjà que je faisais de la musique depuis que je suis quasiment né à cause de ma famille, tu sais, ça allait de soi que comme. On a été chanceux, mon frère et moi, d'aller là parce que c'est vraiment une belle école. Comme. OK. Puis moi, je pense que. Que ce soit la musique, le sport, le théâtre, il faut que tu donnes des concentrations aux jeunes rapidement parce que ça devient ça qui est le plus excitant, moi, je trouve. Là. C'est important, là, le français, les maths, etc. Mais c'est niaiseux, mais moi, même au primaire, je me rappelle ce qui m'excitait le plus, mais, c'est d'aller faire de la musique. T'sais. On chantait, on avait des cours de xylophone. C'était basic, mais c'est sûr que c'est bon pour un enfant, comme dans le développement de son cerveau, de sa sensibilité, de faire de l'art jeune. T'sais. On avait... Mais oui. Fait qu'on avait vraiment une grande chance, mais je pense que ça explique le backdrop très musical. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que ça devait être. Hey, ouais, c'est vraiment au plateau, rien. Ça. Mais oui. Photo d'école, là. T'sais, tout le monde posait avec son instrument. Là. T'sais, tu choisissais violon, violoncelle, piano ou flûte. Ah, pour. OK. Ouais, t'avais une concentration déjà. OK. Puis toi, t'as. Moi, j'ai pris flûte. T'as pris flûte. Ouais. C'est ça qui t'a fait. Ça annonçait le reste. Puis j'ai fait de la flûte traversière au secondaire. OK. À l'orchestre, ouais. C'est, ben, c'est pas... C'est-tu similaire, quand même? Un peu, ouais. Genre, ouais, les côté doigt, ça va se ressembler, mais c'est pas du tout le même souffle. OK. Mais ça ressemble un peu. OK. Ouais, c'est ouais. Comme le saxophone, la trompette, c'est pas... Moi, j'avais fait du saxophone quand j'étais plus petit. Ah ouais? Ah ouais, là, tu mets le petit truc. L'anche. L'anche, c'est ça, ouais, exact. Ouais. J'ai pas fait longtemps, là, mais je trouvais ça cool. Ouais, c'est clair. Ben oui, la musique, c'est top. T'sais, au moins, c'est formateur, t'sais. Ben oui, absolument, absolument. Tu sais, moi, mon frère, il a un bac en musique. Dans le fond, c'est un guitariste. Il est super bon. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi dans ma famille. Là, mon père jouait de la trompette dans un orchestre et tout. Fait que, tu sais, des fois, t'es peut-être pas sportif, mais tu sais, au moins, Colin, tu développes facette. Là. Ouais, tu sais, c'est un langage, c'est une sensibilité. Puis, je pense que ça peut t'accompagner toute ta vie, que ce soit professionnellement ou pas. Là, tu sais, c'est juste comme. En tout cas, moi, je suis tellement content d'avoir fait ça. J'ai envie de retourner à cet horrible manteau. Puis là, on le voit encore mieux. Ah, tabarouette. OK. Ah, mon Dieu. Harry Potter. Wow, qu'est-ce qui se passe, on est en 2000. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lancement de... OK. Tu sais que c'est bizarre comme photo encore? Je suis avec le libraire. Comme... Qui a pris cette photo-là? En quoi c'est important de photographier moi qui achète Harry Potter 4 et la coupe de feu? Okay, mais et je pose avec le libraire. Puis le libraire, il a clairement un regard de « Yeah, c'est moi qui ai écrit le livre. »« Yeah, that's my book, bitch. » »« Je l'ai traduit, c'est moi, tu sais. » Alors que non, on sait très bien. Ben voyons donc. Le point de fuite est nice. Ça a, le lieu a l'air immense, on dirait un tapis rouge. Mais non, c'est une petite librairie sur Saint-Laurent. Et j'étais vraiment excité d'aller acheter Harry Potter 4. Cet été-là, je me rappelle, j'étais en vacances avec ma famille et... je voulais rien faire d'autre que lire Harry Potter, écouter ma musique, qui était genre du rhapsody ou du métal elfique. OK. Et me masturber infiniment. C'est cet été-là, j'étais comme pubère et j'étais dans la magie et le rap celtique. Et, fait que ça, c'est une drôle d'époque. Là, c'est vraiment le début de l'adolescence. Là. OK, tu vois que genre... Mais là, t'avais mais j'ai pas encore d'acné. J'ai-tu des photos de moi avec de l'acné? Au pire, je t'en pop une autre. Moi, j'ai fait. C'était en 2000. Beaucoup d'acné. T'avais 11 ans. Ouais, 11 ans. Ouais, c'est ça. T'en parles souvent, hein. Même, c'est-tu dans le Rose Battle que. Ouais, ouais. C'est qui Mélanie. C'est Mel, qui fait des. Ben, c'est parce que même depuis que je fais de l'humour, tu sais, j'ai pris Accutane, moi, il y a 2 ans. OK, ah ouais. Ouais, il y a deux ans. OK, ouais. Ça veut dire que ça s'est poursuivi. Ça partait pas. Tabarouette. Ben, c'était vraiment moins pire qu'au cégep, là. Mais, genre. Puis j'ai encore. Ouais, mais tu sais, des petites traces, moi, avec j'en ai, là, ouais, c'est normal, là. Mais bref, ouais, moi, l'adolescence a été quand même raide. Là, tu vois, je suis encore un enfant. Ouais, là, t'es enfant encore, là, tu sais, t'es un grand, un très bas âge pour être un grand masturbateur, là. Ouais, je me crassais jeune. Tabarouette, man, mon gars, t'as découvert les plaisirs rapidement. Mais ça, tu vois, on est en... Ouais, non, je me crassais jeune. Tout le monde le sait, maintenant. Bon, ben voilà, c'est dit. Hey, cette photo-là est découpée, tu sais, elle est comme... Mais d'ailleurs, tu sais, je fais le lien avec le début de l'adolescence. Ça, sûrement l'été d'après. Hey. Ou l'autre suivant. Tu sais, là, j'avais comme les cheveux longs. Je jouais dans une adaptation du Bourgeois Gentilhomme. Fait que si vous voulez me voir avec un fleuret, c'est l'occasion. Mais, avec un quoi? Fleuret, je pense, l'épée. C'est un mot que je lui dit à la base. Fleuret. Ça, écoute, tu peux me bullshitter ce que tu veux, je vais te croire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton doigt de pied, man? Arc! Wesh! Man, c'est... Mais c'est pourquoi il est levé une main? Je sais pas. Hein? Puis il est... Arc! D'autres, c'est comme le plus grand mystère. Arc. Et là, ça apparaît pas, man. Mais juste avant ça... Tu sais que c'est fucké, c'est que, en fait, j'aurais dû mettre cette photo-là avant dans l'ordre. Mais moi, à la puberté, je suis devenu full mince, OK? Mais juste avant ça, j'ai eu comme une année ou même 6 mois où j'étais comme vraiment gros. Ah, t'as déjà été gros? Check. Hey, t'as des tits. Ça, c'est 2001. Fait que ça doit être genre 2002. Ça, c'est juste après Harry Potter. Ouais, ça, j'ai c'est des juste tits. Un été que t'étais gros? Ouais, à peu près. 2011. Fête. Ouais, parce qu'en secondaire 2, j'ai pogné une mononucléose, puis... Ah ouais, OK. Ouais, okay, je suis devenu full swim. Mais oui, c'est vrai, t'es plus... Ben, tu sais, t'es pas gros, non, mais attends, là. Man. Cette photo-là est dégueulasse. C'est bizarre, ta twist, mon gars. On dirait que t'as les jambes jusque-là, man. Je déteste tout de cette photo. Ce petit garçon mal cadré. Ce ballon qui va clairement pas à la bonne place. Moi qui a comme... Ah, qui est pas... C'est tellement ingrat comme âge. Ah, dossier chien, man. C'est pas facile. Un, pourquoi quelqu'un a pris cette photo-là? Deux, pourquoi je l'ai gardée? Man, tu sais, même t'as l'air de puer, man. Ah, oh, je sais. Ah, oh, man, je dois puer la merde, là. Genre, je dois. en tout cas. Ah ouais, man, non, ça se passe pas. Puis tu sais, check tes bras, comment t'es twist. Ah non, comme t'es pas à l'aise avec ton... Ah non, comme je te dis, je suis pas sportif. Là. Tu vois que le ballon, il part directement dans le Kodak. Là. Ah ouais, c'est clair. Alors, je m'en vais assommer le photographe. Là. Je vise là, le ballon s'envole là. Ah ouais, mais c'est vrai. Et c'est dans les mêmes époques que je commençais à faire des mises en scène funny, fun, fun, comme moi qui fais semblant qu'il est blessé avec du faux sang. Ah, oh boy. 2002. Boy. Et regarde comment ma mère a appelé la photo. Ah oh non, non, non. Arnaud le rigolo. C'est genre, Mom, pogne-moi en photo. Mais tu sais, pré-internet, hein, tu vois, déjà j'avais des petites idées de mise en scène. Ah oh oui, tu voulais, ben oui, oui. Je voulais stager un sketch. Oh, oui, et je pense, et là, c'est marqué chez mamie et c'est barré parce que clairement. Ben, parce que c'est clairement chez nous, là, à Montréal, c'est pas chez ma grand-mère. Mais je pense que ça appartenait à une espèce de. Je me rappelle, c'était comme une espèce de photo-roman. Puis c'était comme moi qui me fais shot, puis moi qui tombe. Fait que c'est au milieu d'une histoire. Oh boy! J'ai pas le reste. T'as pas la... Okay. Non, j'ai pas le reste. Mais ça pognait les photos-romans. Là. T'avais des revues, tout ça. Là, Dans Safari, il y avait des photos-romans. Ah ouais, pour vrai? C'est comme une forme d'art qu'on a un petit peu laissé tomber. Hein. Peut-être l'avènement du vidéo. À ce temps que tu peux filmer ça... quoi avec ton sel, mais. Ouais. Photoroman. Mais tu sais, on pourrait le faire clairement sur le web, là, un photoroman. On pourrait là, le faire. Ça va être assez funky, mon gars. Ouais. Ah ouais. Tu ne viens pas de l'histoire. J'ai l'impression que c'est assez basic et de marde, mais grosso modo, je pense que je me faisais shot et je mourais comme tout le temps. Mais je pense que le gag, c'est que je mourais. Et, genre, je tombais, puis là, je me relevais, puis là, je déboulais un escalier, puis j'étais comme pas tuable. Il me semble que c'est ça. T'as un super héros, mon gars. Genre, ouais. Mais là, avec autant de photos de moi horribles, j'ai décidé de remettre une photo de moi très, très cute. Ça, moi, je suis à gauche. Ça, c'est mon frère, Mathias. Le petit avec le chapeau rouge, c'est mon frère. OK. Toi, t'es blond. Là. Ah, man, j'étais blanc, blond, platine, genre Cisco voyons blond. Donc. Là. Voyons donc. Genre, tu sais, aveuglant blond. J'ai un petit enfant pâle. Puis ton frère, c'est quoi son nom encore? Mathias. Ouais. Mathias, il a l'air heureux, il a l'air content. Je l'ai jamais revu heureux de même. Non, c'est un gars très souriant, mais il était particulièrement démonstratif à un mois. Là. Il est pas vieux là-dessus. Là. Yeah, non, regarde ça. Un petit bambino. Puis là, toi, t'as comme un chandail. Hein, avec un cochon. Il est cool, ouais. Il n'y a pas un cochon connu dans la vie. Puis toi, t'as comme le rip-off. Oh, c'est sûrement ça. C'est genre Babe. Corky, là, Babe. Là. Encore une fois, mes parents m'ont acheté la version. Regarde, c'était moins cher, Arnaud. Est-ce que je te dis, c'était moins cher. Petite, Colin, là. On investit dans les vêtements pour ton frère. Là. Exact. Très belle photo. Quand même. Mais oui. Et là, bon, c'est ça, là, j'ai fucké la chronologie, bon. Mais là, Halloween. Halloween, Mario Bros. Mario Bros. That's it. Je suis là. 96, je donne du love. C'est hot. Mais oui, la moustache, c'est pas. C'est une autre sorte de moustache que Mario, mais. Ouais, ben tu. Écrit, c'est pas pire, pour non, vrai. C'est bon, man. Ils l'ont fait. Tu sais, je t'ai reconnu tout de suite là, là-dessus. Là. It's a me! Arnaud! Ça marche. Eh oui, ça, c'est nice. Ça, c'est cute, cool. C'est cute. Toi, t'avais un Nintendo? Oui, moi, j'ai pogné un Nintendo. Mais pas à ce moment-là. Moi, j'ai pogné un Nintendo, je devais avoir 7-8 ans. Ma mère avait instauré un système de récompense pour que j'aie ma Super NES. Okay. C'est une époque où je me chicanais beaucoup avec mon frère. T'sais. On est deux petits gars à comme un an et demi de différence. Fait qu'on jouait ensemble, mais on. Ça se battait. Ouais, on chamaillait beaucoup. Okay. Puis on se chicanait beaucoup. Fait que ma mère a dit OK, si vous voulez un Nintendo, les gars, cool, mais ça va vous prendre 120 étoiles de étoiles associées à votre comportement. T'sais. Fait qu'elle avait fait un genre de grand tableau, calendrier. Puis à chaque soir, elle déterminait notre comportement. Si on avait été ultra genre exemplaire, mettons, c'était 3 étoiles en collant. Pas pire, 2, correct, 1. Puis genre, si on s'était battu, whatever, 0. OK. À chaque soir. Chaque soir. Okay. Fait que, mais tu sais, c'est pas fou. Fait, mais Chris, c'est long quand même parce que. À 120, ça prend c'est 4, un bon défi. 60, non, 40 jours à 3 étoiles. OK, ouais. Puis c'est chose que vous n'avez pas fait. Non, hein? Souvent, là, c'était 2-3 jours en ligne, pas d'étoiles. Parce, mais là, à la fin, par exemple, quand c'était comme. OK, si en 10 jours, on est exemplaire, on l'a. Fait, ça nous a aidé pour vrai. C'était pas fou. Good move. Non, c'est pas pire. Et là, on a pogné Donkey Kong, man. Donkey Kong Country 1. OK, ouais. Le premier DK là, au Super NES. OK. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, là. Hey man, moi, je me souviens de celui au PlayStation que je pense que c'était un genre de Mario Kart version. Peut-être que je me trompe, man. Je pense pas que DK était au PlayStation. Non, hein. C'est Nintendo. C'est là. Nintendo aussi. Fuck, ouais. Ok, je me mêle. Tu mélanges avec Conquer Bad Fury Day? Non, ça c'était au Super NES aussi. Ah, sac. T'avais t'avais comme Mario Kart, ouais. Mais l'équivalent sur une autre. Au Play? Ouais, il me semble que ouais. Ah, ça se peut. Mais fuck, ça j'ai joué beaucoup, mais ok, toi mais c'était Donkey Kong? Ah, Donkey Kong, man. Mega Man, après ça. Les Mario, ben là c'est. Ouais, moi, c'est Nintendo, c'est ma console. Je ne suis pas un gros gamer, là, mais j'ai beaucoup joué au NES. Aïe, aïe. Après ça, on s'est acheté un NES, Nintendo 64, GameCube. J'ai arrêté à GameCube. OK. Moi, j'ai arrêté à 64, là, Nintendo ouais. 64, là, avec GoldenEye. Ah, man. Dude, ce jeu-là. C'est... Link to the Past, moi, c'est mon jeu. Là. Link to the Past? Le premier Zelda, dans le fond, au 64. Oh, crème. OK, ça, ouais. J'ai jamais joué. 0-0. Ah, okay. Wow. Wow. Man, j'ai des frissons. Tu sais, je verrais juste le... Le screen avec ouais, la musique, mais un frisson. Là. Aïe. Ah oh, ouais, à ce point-là. Ah ouais, vraiment. Colin, il y avait le tennis aussi qui était cool. Mario Tennis? Ouais, Mario Tennis, sure. C'était cool. Mario Party en général. Mario Party, Pokémon ouais. Pokémon Snap. Ça, j'ai pas joué. C'était moyen. C'est un peu... Parce que moi... comme, il fallait que tu prennes en photo des Pokémon. OK. Bof. Moi, je me souviens, j'avais eu le choix entre un Nintendo à mon époque ou Vidéoé. Ouais. Tu sais, là, c'est là, il y avait des jeux, là, tu peux jouer au bowling. Ouais, tu peux bowling, jouer... des plus, sticks avec un petit truc, là, yes. Avec un monstre. Puis on avait pris le Vidéoé. Ouais, mais. Regrettes-tu? Ben, sur le coup, un petit peu après, parce que, tu sais, j'étais comme merde, mon meilleur ami avait un Nintendo, je trouvais ça génial. Ouais. Là, tu es tout le temps le gars qui attend après la manette. Là, t'sais, t'es comme, yo, passe-moi la manette. T'sais, ça pourrait être une bonne tune rap, t'sais, passe-moi la manette. Passe-moi la manette. Je veux jouer aussi. Okay. Yeah, passe-moi la manette. OK. Mais à cause du post vidéo que tu pouvais comme être interactif, tu pouvais tu connais tout ça un peu? Ben oui. Moi, t'avais le jeu, l'ascenseur, puis t'avais Watatata, que tu pouvais décider des situations. Ouais, dont vous êtes le héros. Exactement. Qui ont repris avec Netflix a fait ça avec Black Mirror. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ils ont c'est pris vrai? Ça. Ouais, c'est le même mood. Sauf dans Black Mirror, ils te font toujours sentir mal, man. Tu fais un choix, puis après, tu sais, c'est comme tout le long, t'es comme, ben pourquoi j'ai dit ça, je me sens comme tu un con. Fait, toi? J'ai commencé, puis j'ai arrêté, je me sentais mal à un moment donné de toujours prendre la mauvaise espèce de décision. Ouais, la mauvaise, en tout cas, là. Moralement, ouais c'est... Moi, j'ai abandonné bien vite, là. Ben, je l'ai fini une fois, je l'ai recommencé un peu pour gosser, puis. OK. J'étais comme pogné dans un... Mais c'était quand même intéressant. Ouais, c'était cool. T'étais... Ouais, j'ai quand même kiffé, mais... Pas assez pour, genre, le refaire une troisième fois. Là, genre. Ouais, parce que je sais que... Je pense que ça dure comme six... Ah, oh, il y a full de fin, ouais, là. Ouais, c'est ça qu'il y a. Ouais. En tout cas. Mais disons, Vidéoé, c'était quand même nice. Il y avait un dégât sur le tapis. Fait que là, tu disais aux jumelles Fraser ou je sais pas trop leur nom. Est-ce qu'ils cachent le tapis ou est-ce qu'ils avouent leur dégât, wow. Etc. Fait que là, tu leur disais toujours de faire le wrong. Là, ouais, ouais. C'était cool. C'est ça. Moi, si tu me donnes le choix, je vais faire le wrong. Ben oui. Tu connais Henri Dice? Ouais. C'est ouais, le chanteur pour enfants. Oui. Ben oui. Hey, crème, man, ça, c'est une belle photo là, pour un kid. Là. Ça c'est cool. Là. Ouais. Moi, j'étais un gros... Regarde mon chandail, man. Dans les pantalons. Mauvais. Ben, dans les pantalons, non, mais genre... En avant. Juste en avant. Ben, tu venais de faire pipi, sûrement. I guess. Dans mes culottes, de stress. Henri Dice, t'as rendu compte? Hey, what a man. Est bonne, mon gars. Il est à l'aise. Hey, lui, il est comme, j'ai reçu plan. J'ai reçu un bout de tambour. Moi, je trippais vraiment Henri Dice. Puis, ce qui s'était passé, c'est que... Il vient à Montréal, en plus, hein? Il vient tout le temps à Montréal. Ah. Yo, c'est un... Tu suis sa carrière, c'est un là. Ami de la ville. Il a les clés de la ville. Non, mais je l'avais vu cette fois-là, c'était au Saint-Denis. Puis dans le fond, c'est parce que il venait à Montréal. Puis Catherine Perrin, qui fait de la radio à Radio-Canada, est une amie de ma mère. Okay. Et Catherine Perrin a dit à ma mère, « Hey, on cherche un enfant pour interviewer Henri Dice à la radio. » Parce okay. que, tu sais, il fait de la musique pour ouais, enfants. C'est ça serait un bon cute. Concept. Ouais. Fait que dit, Arnaud, il trippe Henri Dice. J'étais comme... Fuck, tu me niaises, man. C'est mon idole, Henri Dice. Fait que j'avais comme écrit des questions. Finalement, j'avais été choisi. Wow, OK. Puis ça existe comme entrevue. Faudrait que je retrouve le tape. Mais c'est moi qui pose les questions à Henri Dice. Nice. Puis... Tu chantes une chanson avec lui? Non, mais moi, il m'avait inspiré. La première tune que j'ai composée de ma vie, C'était sur une coccinelle. J'ai les paroles chez nous. C'est comme une coccinelle voulait perdre ses ailes. J'ai pas trouvé une coccinelle qui voulait perdre ses ailes. OK. Peut-être année de voler. Puis, mais c'était mon influence numéro un. Là. Je composais des tonnes un peu à la Henry Dice. Là. OK. Fait que sur All Music ou sur Spotify, artiste similaire, Henry Dice. Ah, Henry Dice, Arnaud Soli, c'est sûr que genre y a un trend. Là. Même créneau. Il n'y a pas de Dead Obies. Fait que ça, tu imagines en ce moment, c'est la première fois que je rencontre que je suis starstruck de ma vie, c'est cette photo-là. Ah ouais, t'es à côté sur le mur, mon gars. Là, je suis figé. Là. Ah, t'es figé. Lui, il est laid back. Check son swag, man. Il est tellement à l'aise, mon gars. Là. Mais son swag, il est bon. Là. Il est bon. Là. Trois couleurs. Tu sais, il n'y a pas un pédo vibe du tout, là, moi, je trouve. Non. Il a zéro, juste l'air vraiment comme du cool daddy. Absolument, absolument. Le ouais, père il est que là j'aurais aimé avoir. Voilà. Ah, ben là, comme Jean, il fait. Non, Jean, non, Henri, il se pense qu'il fait du bon spaghetti. Henri, t'amène pas en Italie, mon gars. Non, t'as un point. Ben oui. Hey, très bon, très bon. Et pour terminer, ben en fait, il en reste deux, mais première communion. Je sais pas, je trouvais que c'était intéressant de ne pas oublier notre héritage catholique. OK. Encore, position de main très bizarre. Hey, mais... Poignet cassé. On dirait presque des petits pieds, man. Ouais, arc, ouais. Et... Il manque juste l'orteil en l'air. Ce qui est malade... Ça. Et là, le punch, c'est sa prochaine photo, c'est que j'avais pas eu le décorum du dress code. Mais... Oh. Oh, dude. Tout le monde est en blanc, man. Moi, je suis là, genre, comme si je m'en allais, genre, faire un safari. Ben oui. J'étais mort de honte, man. Je rentre là, j'étais furieux contre mes parents. J'étais genre, man... Je savais pas que c'était fucking dress code white. Ah, dude. Man, je suis... Puis tu sais, je suis au milieu, là. Ah, dude, ça, c'est drôle, là. C'est drôle. Sale. Hey, dude, t'es-tu pas au courant? Non, je suis littéralement pas au courant, là. Hey, puis t'es en avant-plan, là. Tu sais, il aurait pu te foutre en arrière. Juste on dirait qu'ils m'ont dit qu'il va payer le style. On va le mettre au milieu du crew. Wow, man! Hey, puis on voit clairement tu sais pas quoi faire avec tes mains. J'ai jamais été très... même encore, comme quand je fais de la télé, je sais jamais, même sur scène, je sais pas... Je sais pas. Ouais, mais c'est comme quand t'es dans un bar... Puis t'as pas de bière. Ouais. Tu sais, maintenant tout le monde boit, là, tu dis, amène-moi à soir. Ça prend un verre, man. Ça prend de quoi? Sinon, c'est lent. Tu sais, où tu parles avec quelqu'un qui est genre sur une espèce de lancée qui finit plus. Puis toi, dans ta tête, t'es juste, ah, fudge, man. J'irais me chercher une autre bière, mais. Mais fuck, c'est quand tu deviens comment... self-conscious de ton corps que c'est problématique. T'sais. Ouais, c'est là que ça bug, hein. Ouais, c'est vrai. Que t'es comme. Là, tu fais, bon, mais ça va être naturel comme position. Ouais, c'est ça. Ouais, puis obviously, c'est. Ouais, je te comprends. Fait que, ouais, là, je pense que tu pensais à ton corps, tu pensais à tes habits. Première communion, ouais, c'est la fin de mon parcours. Première communion. Ben oui, quand même. Fin de mon parcours catho, là. OK. J'ai pas fait de confirmation. T'as arrêté ça. Ouais, ben, tu sais, déjà, je pense que je le faisais plus pour faire plaisir à mon père que d'autres choses, parce que j'étais genre, sérieux, man, aller prendre des cours sur Jésus un dimanche. Ouais, non, puis là, t'as une Super Nintendo. Ben, c'est comme, ouais, c'est ça, dessine les 12 apôtres. Yeah, fucking right, j'ai Donkey Kong chez nous. Ouais, t'as Donkey Kong, tu peux te crosser. J'étais sur le bord. T'es sur le bord, hein. Je pense que je me crossais pas, mais je mettais, tu sais, la manette de 64 qui vibre avec le Rumble Pack. Ouais. Tu commençais à découvrir. Je commençais à me chatouiller. Là. Wow. OK. Hey, ben, man, c'est malade. Sont vraiment cool, tes photos. T'as l'air d'avoir une belle jeunesse, man. Ça a l'air le fun. Calme, paisible. T'as pas l'air d'un tannant, à la base? Je suis quand même tannant. Ben, tannant doux, là. Non, je suis un enfant quand même facile, je pense. Ouais. C'est une enfance avec des... De minuscules drames, famille présente, parcours scolaire, le fun. Mes problèmes, c'était plus comme mes démons à moi, là, c'est-à-dire un petit peu ma gêne avec les filles. Mais ça, c'est plus venu à l'adolescence, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas mal courailleur. OK. Mais tu sais, à 7 ans, c'est parce que tu comprends même pas. Tu fais juste, non, tu parles à tout le monde, puis t'es comme. Tu sais, il n'y a pas la dimension sexuelle ou érotique de l'affaire, mais. Mais comme quand j'ai pogné, en fait, c'est vraiment quand j'ai pogné la puberté, les boutons. Attends, j'en ai peut-être des photos de moi avec des boutons. Clairement, c'est pas un moment que j'ai voulu préserver tant que ça. Mais... Ouais, peut-être que ouais, tu le mets pas nécessairement. Tu sais, tu le vois ici un petit peu. Ça, c'est moi et mon frère. Là. Tu vois, ça commence à me pousser d'en face. Là. Ouais. Ben, c'est pas. Non, c'est pas trop. Parce qu'à un moment, c'était vraiment sévère. Là. Hey man, mais la coupe de cheveux, mon gars. Ouais, c'était next level. Là. C'est qui copiait qui? C'était... Mon frère me copiait. Ouais, de Mathias, hein? Mathias, ouais. C'est Noël 2003. Mais ouais, là, on voit pas que t'as, t'sais, t'as pas de temps. On est en train de chanter, là, by the way. Là. Okay. On a une partition, okay, on a une partition dans les mains, puis on chante une chanson de Noël. Là. OK. Je pense. Ben ouais, Noël, ouais. Tabarouette. On n'est pas juste les deux comme ça, là. On est... Oh, man, trop veg, Noël. Mais non, mais bref, fait que, ouais, moi, ça a été plus à l'adolescence que j'ai trouvé ça tough. L'acné, là, vraiment, ça m'a rentré dedans. Ouais, hein, c'est ouais, ça, j'ai ça vraiment perdu d'avoir... de la confiance en moi, que j'ai retrouvé, commencé à faire de l'impro, puis en vraiment okay. M'assumant plus mon côté, genre, comique, là, tu sais. OK, ouais, parce que, tu sais, même, je voyais une autre entrevue que tu parlais un peu côté amoureux, t'étais gêné beaucoup. Ouais, j'ai pas vraiment eu de relation. J'ai eu une blonde au secondaire, puis par de ça, j'étais comme l'ami des filles beaucoup, là. OK, ouais. Je pense pas que j'avais comme un sex appeal tant que ça, là. C'est pas grave. Mais non, fait. C'est une copine aujourd'hui. Ouais, t'es chill. Ouais. Bon, ouais, tout va bien, non? J'suis that's bien. It, that's ouais, it. Ouais. Ben écoute, Arnaud, je te remercie beaucoup. Je te dirais, là, moi, ma photo préférée, c'est sans aucun doute, en fait, celle avec la flûte puis le chandail brun. Ah ouais, hein? Plus. Fudge et où? En tout cas. Tu peux la mettre en cover de. Ça va être top nail là. Ouais, c'est sûr. Puis je donne une mention au libraire, man, qui se fait passer. Mais qu'est-ce qu'il calisse là? Pour. C'est weird, c'est comme tu t'en vas à l'épicerie, genre acheter une crème, la pharmacienne est comme. Ouais, voilà. Non, je suis lisoitier. Ouais, c'est voilà, ça. Non, t'es juste. Alors, t'es juste libraire. Mais c'est, en fait, je vais pas mettre la faute sur le libraire, c'est clairement ma mère qui a dit: veux-tu poser avec le libraire? Pourquoi on se prend en photo, je viens d'acheter un livre? T'sais, peut-être il était. Mais en fait, il est vraiment mal à l'aise, là, le dude aussi, sûrement. Là, il s'est dit, je vais faire une pause, genre, je suis certain de ma shot, mais dans le voir, il y a what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Là? C'est très bizarre. Ça serait malade qu'on le retrouve. Fait que moi, je cherche Joey Nini Tremblay, Mathieu-Alexandre Fafard, qui étaient les deux sur la photo du souper de spaghetti, et je cherche ce libraire. Voilà. Ok, on lance l'appel. On a trois. Ça pourrait être drôle en crise. OK, hey Arnaud, on va faire le segment olé olé, oui, pour les abonnés Patreon, mais pour ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Spotify, moi je te dis un gros merci d'être venu. Merci beaucoup. Vraiment cool, mon gars, c'est le fun de découvrir un petit peu plus ta jeunesse. Puis plaisir d'avoir ouvert la saison, puis bonne continuité. Yes, thanks. Man. Yes.